La música en francès en té un nom i aquest programa així es diu. Això és Hola la Musique. Rebeu la salutació més cordial a càrrec de Rafael Corbí en el moment de començar el nostre espai. Sans musique, vous ne peut chanter. Fini les romances, rien que du silence. Per tots els nostres oients, Hola la Musique. Així comencem el nostre espai, com sempre, i amb aquesta temporada, amb la música d'Eddy Mitchell, de La Musique, es deia aquesta cançó que estàvem escoltant. Avui comencem en jazz cantat en francès. Thérèse Montcalm, una cantant, autora i compositora quebequesa, nascuda l'any 1963, des de l'àlbum anomenat Risk. Tu me manques, je te sens, tu es là. Je m'agrippe à ton corps imaginatif. Olé, André, la mère. Tombrero, allé à l'ouloro. Papa, allé à l'ouloro. Oh, et l'oro, allé à l'ouloro. Papa, allé à l'ouloro. Yeah, ciao! Maman, dans ma douce lumière, tout ce que je vois ne s'explique pas, non. Tu me manques comme un rêve qui prend fin. Je te veux, je désire, cela me déchire. Olé, André, d'Ambé. Tombrero, pariadouroro. Papa, pariadouro. Oh, oh, pieroro. Pariadouroro. Papa, pariadouro. Et on sentir de ta chaleur qui fait fondre la peur. Montre-moi la lumière afin que le feu en moi s'éclaire, s'éclaire. Tu me manques, mais pourquoi? Dis-le-moi, où es-tu? Mais on va, je ne t'entends plus. Boriembre d'Abumbe, Tomboero, Payaluroro, Papa Pariaruro. Oh, oh, Yeroro, Payaluroro, Papa Pariaruro. Boyo de fe, fro, fro, fa, fa, pariem. Boyo seda, yo, suceda, doli. J'ai peur. n'ai plus d'âge. Tu me rends aussi sage que le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi, les sœurs ne comptent plus. Je vis dans l'inconnu de notre galaxie. Permets-moi de rêver sans laisser de traces. Si mon âme est agitée, tu remplis mon espoir. Sans le moindre remords, je t'aimerai en Dolby. Qu'il en soit ainsi, j'en perds la raison. Oh, je te demande pardon si je te contredis. Qu'il en soit ainsi, je demande à l'amour changer son cours pour trouver l'harmonie. Qu'il en soit ainsi, j'en vis tout le temps. Oh, car lui seul a prétend régler notre conflit. Permets-moi de rêver sans laisser de traces. Mais t'agiter, tu remplis mon espace. Hey, hey, cette passion, son âme geste. Així escoltem Oh La La Music, avui la música de l'àlbum de debut de Therese Moncalf, nascuda com a Teresa l'any 1963, al Quebec, al Canadà, intèrpret de jazz, de pop i de rock, que com hem dit va debutar amb aquest primer àlbum. Una carrera artística que havia començat l'any 1981 i que havia format part de diverses formacions i que ens havia acompanyat també amb la seva música amb el duo Vo Spritz al 1993. El 94, Risk, aquest àlbum era el que li obria les portes al seu primer àlbum. Va ser nominat per 5 premis el 1995 i, en prova d'això, de l'èxit d'aquest disc, al Canadà va ser la realització, després de la realització de l'àlbum, uns 100 shows al Canadà i també a través d'Europa. Els seus 3 primers àlbums van ser en francès, que després en va editar fins a 4 en francès i el 2015 en anglès, i retornava el 2015 a cantar en francès. La cantant quebequesa avui ens acompanya en 4 peces d'aquest àlbum de debut. Ja ho puc veure amb el ritme que ens aporta Therese Moncalf des del 1994. Aquesta cançó es diu Les Cinéma i després Passion Sans Détour. Sur l'écran noir de mer, nuit blanche, moi je me fais du cinéma, sans voyant et sans caméra. Brando peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire

écrit quand t'as jamais aimé. Confondre la haine et l'amour, succomber aux passions sans détour. As-tu jamais essayé les pouvoirs de ta volonté? Je parie que tu ignores ces forces cachées en ton corps, car tu sens encore, tu bois encore, tu ris trop fort, mais tu pleures aussi sans effort. Tout te semble si lourd que j'y crois à mon tour. Ouah, tourne la page, oublie, oublie, oublie ces images. Tu peux renier ton nom et ceux qui t'ont fait la leçon. Au lieu de jouer le dur à cuire, ouvre ton cœur, fais-moi plaisir. Souviens-toi des promesses aux illusions de ta jeunesse. Toi seul possèdes la clé. Si, si, si, si, tu tiens à ta liberté. Tu prends encore, tu ris trop fort, mais tu pleures aussi sans effort. Tout te semble si lourd que j'y crois à mon tour. Oh, tourne la page, oublie, oublie, oublie ces images. Oh yeah, pour y avoir frappé, frappé, frappé, frappé, frappé, frappé. Doncs així hem escoltat la seva música, la seva companyia, una cantant que hem descobert amb els nostres programes de jazz i que ens ha acompanyat avui des del seu disc de debut del 1994, Gerwitz, que la cantant quebequesa Teresa Montcalm, Teresa, nomenada així com va néixer. I d'ella, amb una cantant que la coneixíem, però que un dels nostres oients ens va recordar la seva música i avui la recordarem des del 2015, Lara Sophie Cathy Crockaert, nascuda el 9 de gener de 1970 a Etterberg, Bèlgica, i que ha interpretat música tant en francès com en anglès, música clàssica també, pop rock, acústica, dance pop, en total, que des del seu debut el 1986 ha estat una de les intèrprets més conegudes, nascuda a Valònia, a la província de Bèlgica, però també vivint durant molts anys a Montreal. El seu nom, Laura Fadian, el seu nom artístic, i que escoltarem, com hem dit, cançons del Mavi Dance Latien, el disc que va publicar l'any 2015. Sentirem algun dels senzills que va publicar aleshores d'aquest àlbum, un àlbum magnífic, un dels seus millors treballs discogràfics, com per exemple la cançó que donava món amb aquest treball discogràfic. Lara Fabian a Hola la Music. Ferme la porte et pose ton manteau juste là. Assieds-toi. toi près de moi. Ce que j'ai à te dire, je ne le dirai qu'une seule fois. Je ne le dirai qu'à toi. Si j'avais su les torrents dévaler sur ma terre, si j'avais vu les brûlures me ravager la chair, si j'avais su tout ça, ces impossibles allers-retours de l'amour, j'aurais mis ma vie dans la tienne, comme on mélange sans des veines, je serais restée près de toi. Crois-moi, des éléments qui se déchaînent, tu m'aurais protégée de moi, mon âme, mon cher, ma reine. Tant de temps que je t'aime, donne-moi ta main, je t'en prie, ne la retire pas. Ce qui nous lie est au-delà. Organique, minéral, karmique, indéfinissable. Ce qui m'attache à toi va au-delà. Si j'avais cru qu'il fallait ne pas y croire, dommage. Les oasis du désert ne sont jamais que des mirages. Si j'avais su tout ça, les grandes promesses qui tournent court en amour, j'aurais mis ma vie dans la tienne, comme on mélange sans des veines, je serais restée près de toi. Crois-moi, les éléments qui se déchaînent, tu m'aurais protégée. Tes joies, tes peines, je te protégerai de toi. Tu mettras ta vie dans la mienne. On ira où nos cœurs nous mènent. Tu resteras là près de moi. Crois-moi, tes espoirs, tes joies, tes peines, je te protégerai. Savoir-faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais faire. Je marchais dans la rue, m'installais aux terrasses, croisais des inconnus, leur faisais une place. J'écoutais leurs histoires,

c'est du passé tout ça. Et le caviar, c'est donc banal. J'ai beaucoup mieux pour toi. En vue, moi, toute nue, l'un sur l'autre, et où tu voudras. Je serai ton désir, ta poupée, ton pull en cachemire, ta minute de plaisir, ton envie de sucré salé, ton audace, ton fou rire, ton sapin au mois de juillet, la chanson qui t'inspire. Fais de moi ce qu'il te plaît et suis-moi dans mes délires. Je ferai de toi mon grand vizir, mon Bigam, mon Shakespeare, mon héros de bande dessinée. L'important c'est d'en rire et de ne jamais oublier. Passer au présent. du passé. Je parle avec elle de tout, de rien, de son enfance. Ça elle s'en souvient, mais du bouquet de roses que je viens d'apporter restera le parfum, mais l'image envolée. L'oubli, l'oubli comme une impasse sur les gestes qui blessent. L'oubli comme elle déplace son passé, sa tristesse. L'oubli est en surface ce qui nous fait souffrir, mais c'est à l'intérieur ce qui l'a fait tenir. L'oubli, l'oubli comme une impasse sur les gestes qui blessent. L'oubli comme elle déplace son passé, sa tristesse. L'oubli est en surface ce qui nous fait souffrir, mais c'est à l'intérieur ce qui l'a fait tenir. L'oubli crève son cœur pour qu'il n'en genial la música que ens porta Lara Fabian des d'aquest àlbum del 2015 que avui recordàvem a la nostra sintonia d'Aula, la Music amb Mavi Dance Latin, aquesta cantant que, com hem dit, va néixer a Bèlgica, es considera una cantant belgo-canadenca, excepcional amb la seva tècnica vocal, que també ens recorda moltíssim a la gran Barbara Streisand. Després d'aquesta música és el torn de l'Àngel Rodríguez i la seva col·laboració setmanal a Hola La Music. Benvingut, Àngel. Què tal, Rafael? Salutacions cordials, encantat, com sempre, d'estar amb tu, aquí al Hola La Music. Axel Red és el nom artístic de Fabian Demal, una cantautora belga nascuda l'any 1968. Canta en francès, anglès i fins i tot en castellà. Actualment gaudeix de molta fama al seu país i a França. I avui us vull oferir una peça romàntica que a mi m'encanta molt, que es diu Rester Femme. Va ser extreta l'any 1997. Espero que també us agradi. Laisse-moi rester femme. Laisse-moi rester femme. Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faudra. Plus que mes mains noires, je ne te demanderai plus de m'appeler quand tu prends trop tard. Et même si je voulais savoir où tu es, qui tu vois, qui te sépare de moi, je ferais semblant. Croire tes mensonges, et j'aime autant fuir les gens que ça dérange. série à sa voix. Je ne te comparerai plus au héros de mes Pulp Fiction. Oh non. Mes discours de sécurité appartiennent au passé. Tu es et qui tu vois, qui te sépare de moi. Je ferai semblant de croire tes mensonges. Et j'aime autant fuir les gens que ça les rend. Mais laisse-moi. Esteu escoltant Ulala Music. Retornant amb la música, amb André Waters, a través de la música d'aquest excel·lent personatge, triomfador al Quebec, que avui estem recordant, però amb el nostre espai. Disparaître, mais si livré. Excepcional artista que avui ens acompanya en la música pop-rock, però també en el món de la música country, country rock sobretot, la cantant de Charlesbourg, del Quebec, del Canadà, on va néixer un 25 de gener de 1983, André Waters Michaud, una excel·lent guanyadora de dos premis Fèlix al Quebec i que la veritat és que ens ha portat excel·lent música des del moment del seu debut, que va ser l'any 2003, amb el seu primer àlbum que va vendre només és un gran número, 75.000 còpies només al Quebec. Dues cançons varen ser les triomfadores d'aquest àlbum, Si Excepcional, i aquest tema que també escoltem ara mateix, aquest Negatepa, que també escoltem amb Andrew Waters. Avui un programa eminentment femení, el que estem tenint, el programa de Oh La La Music, la música en francès amb Rafael Corbí. J'ai donné chance à mon cœur d'égarer les souvenirs pour le pire ou le meilleur, ne jamais revenir. Je connais déjà par cœur tous les mots que tu vas dire. Ton retour est sans valeur, rien ne sert de se mentir. Je pourrais encore choisir, on pourrait toujours dire, mais pour nous deux, il est beaucoup trop tard. Si la lune brille sur nos mémoires, qu'elle nous redonne l'envie d'y croire, même si les rêves nous reviennent, ne reste pas avec moi ce soir, même si tu revis jusqu'à La seva música és excepcional i avui l'estem recordant també a través del nostre programa. La primera cançó que havíem escoltat era el tema del seu segon àlbum, el més popular a les llistes quebequeses de l'àlbum A Travers, publicat el 2005. I una tercera cançó que escoltarem d'aquesta jove intèrpret, excepcional intèrpret, la cançó Minuit número 1 a les llistes francòfones del Quebec. Va ser l'any 2008 del seu tercer àlbum, anomenat exactament com la cançó. Andrew Waters també ha estat protagonista avui al nostre programa de Oh La La Music. Gràcies per haver estat una setmana més al nostre costat. Amb aquestes cançons, nosaltres ens acomiadem i en la darrera. Uns instants mentre es va finalitzant el nostre programa per escoltar una darrera cançó de l'Andrew Waters amb els darrers instants d'Olala Music. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Està tot, espero que us hagi agradat el nostre programa, eminentment, com hem dit, femení, perquè totes les protagonistes ho han estat. Serà fins la propera. Recordeu que, com sempre, ens podeu localitzar i ens podeu enviar les vostres consultes a través d'aquest programa i també els vostres artistes preferits o cançons que ens demaneu. 644 40 83 24. Repetim, 644 40 83 24. Només per WhatsApp a Olala Music. A reveure.